Y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Salut, c'est Fabrice Epstein et vous êtes dans British Connection. Je vais vous parler du livre que je viens d'écrire et qui vient de sortir, qui s'appelle Rock'n'Roll Justice et qui est une histoire judiciaire du rock. La genèse de ce bouquin, c'est un constat assez simple. J'avais envie d'écrire un livre sur le rock depuis très longtemps et n'étant pas Philippe Manœuvre, je ne pouvais pas me permettre de raconter les 100 disques de Fabrice Epstein. Je suis avocat, je précise, et en parlant à un éditeur avisé, celui-ci m'a soufflé une idée assez intéressante. Il m'a dit « il te faut un angle, absolument un angle, par exemple faire les 100 disques du rock gothique ou les 100 disques vraiment très très précis ». Et puis j'ai réfléchi en me disant « c'est une évidence, il n'existe pas de livre sur le rock judiciaire, sur les grands procès du rock, ces grandes affaires qu'on connaît de près ou de loin, les plagiats, les faits divers ». Les arnaques des managers à l'égard des artistes, enfin toutes ces choses qui manquaient cruellement à la littérature rock. Et j'ai commencé à écrire deux chroniques, une sur George Harrison et une sur Phil Spector, et je les ai proposées à Rock and Folk. J'ai eu une chance immense que Rock and Folk me fasse confiance et me permette d'écrire dans ce journal que je lis depuis que je suis tout jeune, une rubrique qui s'appelle « Les justices pour tous » et qui raconte mensuellement un grand procès ou une grande affaire judiciaire qui arrivait à un être spécial du rock, de la pop, de la soul, de la funk, etc. Et de ces chroniques, qu'il en existe une vingtaine figurent dans le livre, un peu moins, j'ai décidé d'en faire un livre qui serait plus largement une histoire judiciaire du rock, pour essayer de l'écrire, ou de la réécrire, ou en tout cas de se demander comment et pourquoi le rock était freiné par la justice, ou au contraire, comment le rock permettait à la justice d'avancer. En tout cas, comment ces deux univers se télescopaient, étaient l'un face à l'autre ou l'un avec l'autre. C'est-à-dire que parfois, les artistes aident à faire avancer la jurisprudence. Ils cassent un certain nombre de lois. Ils aident aussi la société à évoluer. On pense à Dylan, avec les grands combats qu'il a menés pour les Noirs américains. Mais peut-être entrons dans le sujet. Et la première chronique dont je voudrais vous parler, c'est un plagiat qui est celui de My Sweet Lord. Alors vous savez que George Harrison, lorsqu'il est en fin de carrière au sein des Beatles, il en a assez, il a vraiment envie de faire son truc et de prendre une direction propre. Et lorsque les Beatles s'arrêtent, il sort ce titre magnifique, My Sweet Lord, une chanson de plus de 3 minutes, qui est un carton absolu, qui va se vendre extrêmement bien, mais quand ça va arriver aux États-Unis, eh bien, il y aura un gros problème, c'est qu'on va considérer qu'il a plagié une chanson des Chiffons, qui s'appelle One Fine Day, qui a été écrite par Ronnie Mac, et la succession de Ronnie Mac, puisqu'il est mort très jeune, fait un procès à George Harrison. Au bout du compte, George Harrison est condamné, parce qu'on considère que c'est un plagiat subconscient, et qu'il n'a rien fait d'autre que reprendre le thème de la musique des Chiffons. Je vous propose donc d'écouter tout de suite My Sweet Lord de George Harrison. I really wanna know you. parle de mon livre « Rock'n'Roll Justice » dans « British Connection ». J'ai évoqué les plagiats, c'est la première partie de mon bouquin. Il y en a un qui est très drôle, je vous laisse le découvrir. C'est celui que reproche Saul Zenz, le producteur de Creedence, à Fogerty, puisqu'il avait acheté les droits de Fogerty. Et de façon très logique, considérer que Fogerty s'autoplagiait. Il y a donc une grosse affaire d'autoplagiat qui termine devant la Cour suprême des États-Unis. C'est tout de même rare et ça nécessite d'être souligné. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ce livre, c'est les frottements qui existent entre le rock et la justice, et le rock et la société, qui finalement est extrêmement lié à un certain nombre de jugements. C'est l'affaire de Jim Morrison, que beaucoup de gens connaissent. Jim Morrison sur la fin des Doors, toujours perturbé, qui veut faire de la poésie et plus trop chanter, mais qui a un certain nombre d'engagements auprès de producteurs et de promoteurs. Et ce soir-là, à Miami, en 1969, eh bien, beaucoup plus de places ont été vendues au Key Dinner Auditorium de Miami. Morrison arrive en retard, il est saoul, très saoul, puisqu'il ne se souvient plus de rien. Les musiciens jouent et il harangue la foule. Morrison leur dit un certain nombre de choses sur la Floride, qu'il vomit, sur les États-Unis, et puis il leur aurait dit « alors vous voulez la voir ». Enfin ça, il l'a dit, c'est sûr. Mais est-ce qu'il a accordé le geste à la parole ? Mystère, en tout cas interrogation. Pas de photo, rien, pas de prise de vue, pas de caméra. Silence, le concert se termine, et quelques jours plus tard, pas instantanément, alors qu'il aurait pu être pris en flagrant délit, quelques jours plus tard, les journaux disent que Morrison a montré son sexe et que donc il doit être poursuivi pour indécence, exhibitionnisme, alcoolisme. Bien sûr, le procureur suit, puisque Morrison est dans l'œil du cyclone et qu'on souhaite le faire tomber, ou en tout cas l'ennuyer. Et voilà Jim qui va se retrouver devant un tribunal. Ça ne va pas le faire rire du tout, il aura tout à fait peur que ses cheveux tombent et d'être un poète enfermé, ce qui est pourtant le cas de beaucoup de poètes et beaucoup d'écrivains. Et Jim Morrison va être condamné. Alors a priori, il est condamné pour ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'est pas du tout prouvé qu'il s'est exhibé. Mais il est relaxé pour ce qu'il a fait, notamment alcoolisme. Alors il était saoul, ça c'était certain. Il y a une défense assez fantastique de la part de ses avocats. L'un fait appel à un conte d'Andersen pour essayer de convaincre le jury, et l'autre à une relaxe un peu sociétale expliquant qu'à cette époque, eh bien, il y a une liberté du corps et que donc on peut se montrer tout à fait nu. Il va y avoir des répercussions à ce jugement puisque Morrison va quitter les États-Unis pour la France. On sait qu'il mourra en France, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est là où le droit est important parce qu'il est systématiquement lié au rock. Des années plus tard, des grands fans de Mr. Mojo Rising, comprenez Jim Morrison, vont demander un recours de grâce auprès du procureur de la Floride, qui s'appelait Christ, qui était en classe avec Morrison et qui va décider de gracier l'outlaw le plus fameux des États-Unis. Alors, je vous aurais bien encore dit un mot sur les Sex Pistols, qui, eux, ont permis d'abroger un acte lié à une publicité indécente avec leur fameux disque Nevermind the Bollocks, mais je préfère vous laisser et vous propose d'écouter Love Me Two Times des Doors. I've gone away. Oh yeah. watch me. Got me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times. Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Je vous ai parlé des plagiats, je vous ai parlé de l'absurdité de la société et sa remise en cause par les musiciens. Je voudrais dire un mot du courage des musiciens, de leur inventivité. Vous voyez, ces musiciens, jeunes, veulent absolument enregistrer, ils sont prêts à tout. Parfois ils sont refusés, on connaît l'histoire des Beatles, on connaît l'histoire des Rolling Stones, et parfois ça fonctionne. Alors par exemple, quand Tom Petty signe son premier contrat, il se fait complètement avoir, il cède l'intégralité de ses droits à sa maison de disques. C'est une maison de disques qui est notamment possédée par Léon Russell, le fameux pianiste et homme à tout faire. Et lorsque les Heartbreakers progressent, un disque, deux disques, au troisième disque, Tom Petty se rend compte qu'il est un artiste extrêmement connu ou sur le point de l'être, qu'il fait un chef-d'œuvre, mais que ce dame de Torpedoes va ne pas lui faire gagner d'argent. Alors, il réfléchit avec ses managers, avec ses avocats, avec ses proches. Il arrive à une solution extrêmement inventive et intelligente. Il décide de se mettre en faillite, c'est-à-dire qu'il considère qu'il a plus de dettes que d'actifs et il est sous la protection du fameux Chapter 11 américain. Dès lors, dès que quelqu'un veut négocier avec lui, que ce soit une nouvelle maison de disques ou une salle de concert, eh bien, il est nécessaire que le juge se prononce sur les contrats que Tom Petty s'apprête à signer. Et là, on sent bien les choses venir, c'est-à-dire que le juge va dire qu'il s'est fait escroquer, le pauvre Tom Petty, et qu'il va falloir revoir ses contrats. Et plutôt que d'aller au bout de cette procédure, le label décide de tomber d'accord avec lui, et finalement, Tom Petty renégocie ses droits, et au moment où sort ce Dame de Torpedoes, où il fait la une de Rolling Stone, il est vraiment une star, il a vécu une période judiciaire, eh bien, il a enfin repris la main sur son label. Voilà une preuve explicite de l'inventivité des musiciens. Peut-être la dernière chose, c'est le courage qui permet souvent de faire basculer la justice du côté des accusés ou du côté des avocats. Et certains musiciens qui figurent dans ce livre, je laisse de côté les managers qui aussi sont de grands inventifs, les musiciens qui sont dans ce bouquin, qui le traversent, sont des gens comme Dylan, comme Neil Young, qui mène des combats. Alors évidemment, Dylan, ses protest songs, le travail incroyable qu'il a fait pour la mémoire d'Attie Carroll, mais aussi d'Hurricane Carter. On sait que Dylan s'est intéressé un jour à Hurricane Carter. On ne dira pas qu'il ne l'a plus lâché, parce qu'il s'en est également défait assez vite, mais il a écrit cette chanson, Hurricane, et c'est grâce à cette chanson qu'il y a eu un nouveau procès, et c'est grâce à cette chanson aussi qu'après plus de 15 ans de procédure, le juge Sarokin, qui est le dernier espoir de Hurricane Carter et de John Artis, va donner aux deux accusés un habeas corpus, c'est-à-dire un système qui est rarement utilisé et qui permet d'annuler une procédure sur le champ parce qu'elle est inique, parce qu'elle est raciste. Et ça, c'est parce que les enfants de Sarokin ont donné au juge la chanson de Bob Dylan. Alors pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau. Il est long, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Il y a même une histoire dans l'histoire, puisque Dylan aurait diffamé un des témoins, mais il a gagné devant les tribunaux. Donc finalement, le théâtre dans le théâtre, le procès dans le procès, Dylan toujours au firmament. Merci de m'avoir écouté, et maintenant, c'est Hurricane de Bob Dylan.

along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards, fucks, and slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Retrouvez le magnifique livre de Fabrice Epstein, Une histoire judiciaire du rock'n'roll justice. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est le nouvel album de Darcy. Et voici le deuxième morceau. Viens chercher Pogo, c'est un titre dont on est plutôt fier, qui est très très efficace en live, parce qu'on l'a déjà testé avant la sortie de l'album sur de nombreux festivals et même en salle de concert. Et il fait mouche à chaque fois. C'est un riff qui est très simple, c'est notre premier morceau grunge dans ce style. Et c'est un morceau qui est totalement taillé pour le live, donc ça nous paraissait évident d'inviter quelqu'un sur ce morceau. Et l'évidence a voulu que ce soit Kemar, le chanteur de No One Is Innocent, parce que c'est les premiers avec qui on a tourné sur la tournée de notre premier album. C'est eux qui nous ont donné vraiment beaucoup de force et pas mal de visibilité, notamment avec le duo La Marine sur lequel il était déjà présent. Et voilà, ce gimmick qui dit « Viens chercher Pogo », c'est devenu un petit peu notre hymne à nous et à la famille de Darcy. Parce que ça vient chercher maintenant la bagarre très facilement dans nos concerts. Et voilà, il fallait qu'on fasse un morceau à la gloire du pogo qu'on a à chaque fois dans nos concerts. Et voilà, à chaque fois, en général, il met la grosse tarte sur scène, celui-ci. Viens chercher Pogo.